On est en pleine saison d'été, pourtant dehors il neige. J'ai le nez bouché, bizarre, j'ai pas la crève. Les peines tombent comme la pluie, la police c'est pas grève. La justice, y'en a qui la font, les potes qui la crèvent. On m'a dit le ciel est bleu, pourtant je le vois en gris. Certains passent de la maternité à la psychiatrie. Tu peux toujours rêver dollar, gagner à la loterie. C'est comme attendre que l'infirmière du star te fasse une petite gâterie. Je regarde par ma fenêtre et je vois les coups se distribuer. La médaille du malhonnête, c'est ce que la juge m'a attribué. J'ai vu Torque à prendre sa chance, du coup j'ai pris la mienne. Ne dis jamais j'ai la frange de ma vie, mec, c'est pas la tienne. C'est les jaloux qui parlent et qui font en sorte que du béton. T'auras pas besoin de tendre la joue pour qu'on t'y mette à coup de bâton. Je suis venu, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai été déçu. À qui la faute, celui qui porte l'arme ou celui qui l'a conçu? J'ai vu ma mère au bord de larmes et la frère, oh, j'ai compris. Tout est dérisoire, mais l'amour des parents, ça n'a pas de prix. J'ai pris le bateau du mal et c'est dur de revenir. Le trophée du bien, trop de péripéties pour le tenir. Putain, il caille, chiant, calbut sans couette polaire. Un coup ça brûle et je suis torse nu sans crème solaire. Je suis dans une foule spéciale et je contiens plus mes nerfs. J'ai mis mes projets d'enfant bêtement dans le container. Car je suis ce type qui claque, toute c'est une emboîte. Troisième day de Jack, ma vie je la vois en plaque et je suis strac. Il est 6h du mat et c'est l'entraque. After avec les straps, ouvre une bouteille, reprend des claques et du mat. J'ai du sang sur les sables, je m'y tonne pas. Comme d'hab, je rentre chez moi, fais pleurer ma ronda. Mais c'est clair, faudrait que je change de vocabulaire. Honnêtement, mon frère, je me trouve plus poli que l'homicère. On est en pleine saison d'été, pourtant dehors il neige. J'ai le nez bouché, bizarre, j'ai pas la crève. Les peines tombent comme la pluie, la police c'est pas grève. La justice, y'en a qui la font, d'autres qui la crèvent. On est en pleine saison d'été, pourtant dehors il neige. J'ai le nez bouché, bizarre, j'ai pas la crève. Les peines tombent comme la pluie, la police c'est pas grève. La justice, y'en a qui la font, d'autres qui la crèvent. J'ai eu quelques souvenirs, petit, je voulais garder le sourire. Je pensais déjà, puis je me suis mis à écrire. J'ai vu des notes, des pleurs pour des proches. Des larmes qui s'écoulent d'une douleur qui s'accroche. Où est passé ce temps libre? L'époque des photos squares et des routes dans la ville. Je nous revois dans les bars ou dans les rues. Moi et l'équipe, on niquait tout du nord au sud. Toujours soudé comme une nid par des chaînes. Fanny nous voir en concert, mec à 10 sur la scène. Pas grand chose dans les poches, mais dans la tête. Vu que pas mal de douleurs se répètent. Parce que j'écris moi, parce que je crie. Je me suis vu m'éloigner car j'étais trop dans mon délire. Parce que je pense, c'est ce qui m'attriste. Avec ou sans, mes problèmes sont réalistes. On est en pleine saison d'été, pourtant dehors il neige. J'ai le nez bouché, bizarre, j'ai pas la crève. Les peines tombent comme la pluie, la police c'est pas grève. La justice, y'en a qui la font, d'autres qui la crèvent. On est en pleine saison d'été, pourtant dehors il neige. J'ai le nez bouché, bizarre, j'ai pas la crève. Les peines tombent comme la pluie, la police c'est pas grève. La justice, y'en a qui la font, d'autres qui la craignent.